Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous parlez de l'un des plus grands peintres français et vous avez décidé de mettre des couleurs pour ce week-end de novembre. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons évoquer en effet Claude Monet et son œuvre Testament, ces nymphéas qu'à la fin de sa vie, il a bien voulu offrir à la France. Une France qui, à l'époque, je vous le rappelle, pensait encore les plaies de la Grande Guerre. Et pour évoquer ces immenses toiles impressionnistes, vous avez fait appel au monsieur peinture de l'émission. Eh oui, Serge Legas, que nos auditeurs sont heureux de retrouver souvent à ce micro. Et à la fin de l'émission, nous irons à Giverny, sur les traces du maître, je veux parler de Monet bien entendu. Pour le moment, je vous raconte la belle histoire des plus célèbres nénuphars de la planète. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire. Des fleurs, de la lumière, des saules, de la lumière, un petit pont vert sur un jardin d'eau et de la lumière partout, surtout. Et puis à l'ombre d'un parasol, un vieillard en train de peindre. Il a la silhouette massive, il porte un costume de toile claire, un grand chapeau, en tout cas un chapeau de paille à large rebord, une grosse barbe blanche et une cigarette à la bouche. Elle fait presque partie du personnage. Il tient sa palette et plusieurs pinceaux. Alors juste à côté, on voit son petit chien qui tourne autour de la chaise. Dans un film de 1915, un film documentaire qui s'appelle « Ceux de chez nous », Sacha Guitry nous montre Claude Monet en train de travailler chez lui à Giverny. Giverny, c'est à une heure de Paris environ, en Normandie, ou plus exactement dans le Vexin normand. « Son existence fut pure d'un bout à l'autre », dit Sacha Guitry. Claude Monet pouvait se vanter de n'avoir jamais fait, ni dans sa vie privée, ni dans son art, une chose qui fût répréhensible. Il pouvait s'en vanter, mais il ne s'en vantait pas. Monet ne se vantait de rien. Ce qui différencie cet homme de la plupart des humains, c'est que les autres vous donnent des conseils, tandis que Claude Monet vous donnait des exemples. Cela fait alors 30 ans que le peintre vit, hiver comme été, à Giverny, dans ce clos normand où il ne ferme jamais les persiennes et les rideaux des fenêtres de sa chambre puisqu'il vit au rythme du jour et du soleil. Monet va rester jusqu'à sa mort à Giverny et il va réaliser là ce que j'appelais à l'instant son testament artistique, c'est-à-dire les célèbres nymphéas. Il faut vous dire qu'en 1890, Monet est âgé de 50 ans, il a acheté cette propriété de Giverny, c'est la maison du pressoir dans la vallée de la Seine, il l'a acheté pour 22 000 francs. Il loue cette maison, il la connaît très bien, hein, puisqu'il la louait depuis 7 ans maintenant, depuis 1883. Il décide de s'établir donc définitivement à Giverny. Il continue de travailler sur la série des meules de foin, peintes par tous les temps, tant ensoleillées, tant légères, légèrement brumeux, tant gris, tant plein de brouillard ou couvert de neige. Quelques mois plus tard, il va réaliser une autre série appelée à faire vibrer la postérité. Les cathédrales de Rouen, bien entendu, où il parvient à saisir les variations de la lumière sur la pierre aux différentes heures du jour. C'est 30 tableaux en tout, hein, les cathédrales de Rouen. Vous voyez à quel point il y a, plus le temps passe, et plus il y a chez Monet une sorte de propension à l'étude, à l'expérience visuelle. C'est assez étonnant. Alors à Giverny, la grange adossée à la maison va devenir son premier atelier. Au-dessus de cet atelier, Monet ajoute un étage. Il s'aménage une grande chambre avec un cabinet de toilette. Il va repeindre toute la maison. Alors vous la connaissez cette maison évidemment, hein, avec ses murs d'un rose tyrolien, ses volets verts, toutes ses plantes grimpantes. Et puis le salon-atelier meublé de sofas, de meubles de rotin. Et avec au-dessus la chambre où la lumière pénètre à flots. Quand il fait noir, il me semble que je meurs, je ne pense plus, disait Rodin. C'est dans cette chambre que sont accrochés un certain nombre de tableaux de Renoir, de Berthe Morisot, etc. Monet va transformer, bien sûr, le jardin qu'il a acquis par la même occasion. Il va supprimer toutes les mauvaises herbes, les haies. Il bêche, il sème, enfin, il fait bêcher, hein, bien entendu. Il sème du gazon. Il plante des arbres ornementaux, crée des parterres de fleurs variées. Il aménage tout un potager également. Il va acheter des graines, des plantes. Il conclut des échanges avec d'autres jardiniers. Il parcourt tous les catalogues qu'on lui envoie. Il passe vraiment un nombre incalculable de commandes. Et il achète également de l'autre côté d'une voie de chemin de fer, qui plus tard sera une route, il achète un terrain où l'on accède par une sorte de pont. Aujourd'hui, on passe sous la route, mais à l'époque, c'était un petit pont. C'est le futur jardin d'eau. Les paysans voisins craignent qu'il empoisonne l'eau en y plantant tous les végétaux bizarres qu'on voit s'épanouir dans cet étrange jardin. Lui-même écrit au préfet de l'Eure, « Il ne s'agit là que d'une chose d'agrément et pour le plaisir des yeux et aussi d'un but de motif à peindre. Je ne cultive dans ce bassin que des plantes telles que nénuphar roseau, iris de différentes variétés qui croisent généralement à l'état spontané le long de notre rivière. Il ne peut être question d'un quelconque empoisonnement de l'eau », explique le peintre. C'est un très gros travail que de mettre ces jardins au monde, mais c'est un peu ça, hein, de les voir naître. Monet supervise une grande équipe de jardiniers. On peut dire, il a en tout 6 ou 7 personnes qui travaillent pour ça. Le jardin est sa source d'inspiration principale. Un journaliste va écrire au moment de sa mort, « Le jardin de Giverny était une palette que préparait lui-même le grand peintre. Un mois jaune, jonquille, safran, orange, capucine, tous les ors de la terre s'offraient à ses yeux. Le mois suivant, par l'effet d'un coup de baguette, tous les bleus surgissant de sa terre. » Octave Mirbeau, le grand écrivain, lui aussi ami de Monet, décrit le jardin de Giverny. « Au printemps, dit-il, le camaïeu d'iris blanc, mauve, jaune, bleu, des hémérocales aux odorants calices, des clématites aux corolles immaculées, lavées d'azur et de rose. En été, la surprenante féerie des pavots, des roses trémières, des soleils du Texas, des grands héliantes de Californie. À l'automne, les capucines multicolores qui envahissent les allées, les reines marguerites, les fastueux dahlias, les anémones du Japon, les phlox illuminant les plates-bandes. Toute l'année, le quotidien, le travail de Monet tourne autour de son jardin, de ses jardins, devrais-je dire, et du temps qu'il fait. Aux premières lueurs du jour, ça y est, le maître est réveillé, il avale une andouillette grillée, il boit son verre de petit vin blanc et il allume une cigarette et le voilà déjà au travail. À midi pile, il déjeune, il y a quelque chose de militaire dans son organisation. À 2 heures, il se remet à travailler et lorsque le soleil disparaît à l'horizon, il dîne. Et il monte se coucher. Il disait « Quand le soleil est couché, que voulez-vous que je fasse ?» En hiver, Monet troque le chapeau de paille contre une toque de fourrure. Et c'est ainsi, vêtu d'une pelisse, qu'il observe son jardin, guette le moindre méfait du froid ou le réveil de la nature. Alors il passe du temps sous la serre. À ce moment-là, bien entendu, il est là à les observer, ces petits chrysanthèmes et ces orchidées qui sortent de terre à leur tour et qui vont offrir leur couleur et leur forme à l'œil et à la palette du maître. Il expose les Nymphéas, série de paysages d'eau, en 1909 à la galerie Durand-Ruel à Paris. Ça, pour l'instant, ce sont des toiles de taille encore relativement modeste. C'est l'aboutissement de pas mal d'années de travaux sur le motif et sur le pont japonais, des travaux directement inspirés, mais je dis directement en même temps librement inspirés, des estampes japonaises que collectionne Monet. Seulement, l'artiste se dit qu'il n'a peut-être pas encore totalement exploité les infinies richesses de ce jardin extraordinaire. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez donc la vie de Claude Monet à Giverny, où il réside à partir de 1883. Lorsqu'il s'installe à Giverny, est-ce que c'est déjà un peintre connu ? Ah oui, c'est un peintre connu, reconnu et même relativement fortuné, en tout cas depuis le début des années 1880, c'est-à-dire pas très longtemps avant son installation définitive à Giverny en 90. Là maintenant, il est plus qu'à l'abri du besoin, mais il faut vous dire que pendant des années, Monet a mâché et remâché de la vache enragée. Il a été très très pauvre. Vous savez qu'il a eu du mal à trouver un public, comme du reste la plupart des peintres qui travaillaient dans cette mouvance qu'on va appeler impressionniste. Vous savez que le terme impressionnisme est lié au titre d'un tableau de 1874, une toile qui s'appelle « Impression, soleil, levant », qui est évidemment le clou des collections permanentes du musée Marmottan, hein, très célèbre impression soleil levant, d'où on a tiré le terme impressionniste. Il faut quand même vous dire que jusque très tard, jusqu'à la fin des années 1870, Monet n'est pas arrivé à vendre une seule toile plus de 50 francs. Et puis d'un seul coup, il se met à les vendre des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de francs. C'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. C'est Sacha Guitry qui disait « Monet avait d'abord travaillé pour vivre, puis il avait vécu pour travailler. » Et là, maintenant, il travaille effectivement à Giverny, qu'il ne quitte que pour aller voir de temps en temps une exposition, pour déjeuner avec des membres de l'Académie Goncourt. Il se méfie des visiteurs et des curieux, même quand ce sont des officiels et qui pourtant viennent du monde entier pour le voir comme on visiterait un monument d'une certaine façon, et qui veulent voir son atelier et qui veulent entrer dans ce fameux jardin. En revanche, il est très accueillant avec ses amis. Sa femme Alice Monet est une maîtresse de maison accomplie, très accueillante, elle s'est auto-organisée autour, et lui est très heureux de pouvoir faire des déjeuners à rallonge avec ses amis qui viennent le voir. Le journaliste Gustave Geffroy nous dit « Alice voulait que ses hôtes soient bien reçus et puissent converser en toute liberté. On ne se privait pas de ce plaisir autour d'une table servie d'une copieuse et délicate chair, égayée par des vins légers de toutes les couleurs. Dans cette salle à manger, aux lambris peints en jaune pâle, relevés aux moulures d'un jaune plus vif, aux meubles, buffets, dressoirs peints de même manière, décorés sur tous les murs d'une profusion d'estampes japonaises, simplement mises sous verre, les plus belles et les plus rares, nous dit-il. C'était un lieu tellement incroyable. Mirbeau, Rodin font partie des amis proches. Lucien Guitry aussi, d'où la présence de Sacha en 1915, bien entendu. Sacha qui raconte d'ailleurs une anecdote. « Nous sortions de table un jour, dit-il, et nous étions dans son atelier quand il me dit « Figurez-vous qu'une Américaine qui était venue l'autre jour ici pour m'acheter une toile m'a demandé en plus de lui donner un de mes pinceaux. Je me demande l'intérêt que ça peut bien avoir. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées baroques. Vous ne trouvez pas ?»« Non, je ne trouve pas, » répond Sacha Guitry. « La preuve, c'est que je vais vous en demander un, moi aussi. Ça vous ennuie ?»« Oh, pas du tout. » J'avançais la main, nous dit Guitry, vers un des pinceaux très usagés qui se trouvait là. Alors il m'a dit « Oh, au moins prenez-en un neuf, qu'il puisse vous servir à quelque chose. » Et Sacha Guitry conclut « J'ai choisi le plus vieux, bien sûr. » Ce pinceau, il s'est retrouvé ensuite dans les collections d'Alain Decaux, qui se faisait un grand plaisir de le montrer. C'est un souvenir qui me touche et je suis heureux de pouvoir le signaler. Alors, l'ami le plus fidèle de Claude Monet, c'est évidemment un grand homme d'État, Georges Clémenceau. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, seulement depuis 1908, le sénateur du Var, si je puis ainsi l'appeler, possède une propriété pas loin de Giverny, le château de Bernouville. Et Clémenceau vient déjeuner maintenant, très souvent, presque un dimanche sur deux, chez les Monet. On passe des heures et des heures à refaire le monde assis sur un banc face à cette végétation absolument luxuriante. Les deux hommes parlent d'art, jamais de politique. Clémenceau, pendant toutes ces années, va jouer un rôle important auprès de Monet, notamment au moment des deuils qui vont affecter le peintre. Sa femme Alice Ochedé, meurt en 1911, puis un de ses deux fils, Jean, en 1914, il a 47 ans. Blanche Ochedé, qui est donc la belle-fille de Monet, vient vivre chez lui après la mort de Jean, et c'est peut-être elle qui va lui donner la force de continuer, en tout cas lui rendre un goût de peindre qui avait fini par s'estomper. Et c'est à ce moment-là que va naître ce projet tellement ambitieux de ces toiles gigantesques, de ces toiles monumentales sur lesquelles Monet va, j'allais dire, peindre. Il va projeter, il va transcrire ces fameux nymphéas. Pour ça, il lui faut un grand atelier. Alors, les ouvriers se mettent à construire à partir du 1er août 1914. C'est une date qui doit vous dire quelque chose. On est en train d'entrer dans la Première Guerre mondiale. Les ouvriers se mettent donc à faire ce chantier, sauf qu'avec la guerre, le chantier est retardé, on le met de côté, on le reprend. Bref, tout ça n'est achevé qu'en 1916. Cet atelier permet d'abriter des toiles qui font 2 mètres de haut et plus de 4 mètres de longueur. Ces toiles sont clouées sur des châssis spéciaux, bien entendu, posées sur des espèces de chevalets très particuliers qui sont montés sur des roulettes. Vous imaginez encore une fois le caractère quasi monstrueux des toiles. C'est le format qu'utilisent les grands peintres d'histoire. Vous savez, quand ils font leurs immenses scènes, Paul Claudel dira plus tard, il s'adresse à cette surface presque invisible et spirituelle qui sépare la lumière de son reflet, l'azur aérien captif de l'azur liquide. La couleur monte du fond de l'eau par nuages, par tourbillons, c'est ce que transcrit Proust lorsqu'il parle de ses propres nymphéas en disant qu'elle donnait le sentiment d'avoir éclos en plein ciel. Extrait de la danse de la fée dragée, extrait de Casse-Noisette, signé Tchaïkovski à l'instant sur Europe 1. Et nous découvrons la vie de Claude Monet grâce à vous cet après-midi. Franck, alors effectivement, nous sommes 1914, la Grande Guerre vient de débuter. Et Claude Monet, lui, de son côté, il vieillit. Et oui, alors pendant et juste après la guerre, il continue à travailler sur ces fameux gigantesques châssis, hein, sur ces très grandes toiles où il peint des nymphéas, c'est-à-dire des nénuphars, si vous voulez. On ne sait pas si c'est de l'eau, du ciel. C'est une espèce de grand mélange de reflets tout à fait extraordinaire. Clémenceau est ébahi par ce qu'il voit. Mais quel spectacle, dit-il, un champ d'eau chargé de fleurs et de feuillages dans tous les harassements de la flambée solaire, avec les répercussions mutuelles de l'écran céleste et du miroir aquatique. Tout est dit, et c'est vraiment ça. Et ces grands décors et ces gigantesques décorations, c'est sans doute, pour autant qu'on sache, Clémenceau qui va conseiller à son ami Monet d'en faire don à la France, d'en faire don à l'État. Il faut vous dire que Clémenceau est à la toute fin de la guerre, et vous le savez bien sûr, hein, président du Conseil et ministre de la guerre. Ce qui est dur pour Clémenceau à cette époque, c'est de perdre peu à peu la vue. Ça, c'est absolument terrible. Pour Monet, pardon, pas pour Clémenceau, pardon, oui, pour Monet. Quand vous êtes un peintre, vous imaginez, vous ne peignez qu'avec, vous n'avez que ça, évidemment, et vous perdez peu à peu la vue. Il faut dire que Monet a près de 80 ans, il va terminer ses nymphéas de grande dimension comme une sorte de contribution tardive ou presque après coup à l'effort posthume, j'allais dire, à l'effort de guerre. Depuis plusieurs mois, il voit néanmoins de plus en plus mal. Et ironie du sort, lorsqu'on pense à ce que disait Cézanne, Monet est un œil, mais n'est qu'un œil. Mais quel œil, disait-il ? Eh bien, Monet est atteint d'une double cataracte, de plus en plus handicapante. Il ne perçoit de moins en moins bien les couleurs. Et d'ailleurs, il est de moins en moins content de ses œuvres. Et lorsqu'il signe l'acte officiel de son don à l'État en 1922, il murmure « C'est bien de l'orgueil, c'est bien osé de présenter des œuvres d'une façon définitive. Que dira l'époque qui va suivre ?» Et Clémenceau insiste pour que cette cataracte, Monet s'en fasse opérer. Il est temps d'agir car la vision est quasi nulle à droite et elle n'est plus que d'un dixième à gauche, vous imaginez. Cette opération, elle va avoir lieu. Elle a lieu au début de l'année 1923. Ce serait excessif de dire qu'il s'agit d'une grande réussite. Monet est déçu, c'est certain. Il a été en plus perturbé par la correction optique du côté droit. Il va dès lors refuser l'opération du côté gauche. Et le mot est de lui, il se considère alors comme fichu. Au cours de l'année 26, Monet est de plus en plus fatigué et on va bientôt déceler une tumeur. Seulement, on ne le lui dit pas, il ne sait pas qu'il a cette maladie. « Je le savais perdu », écrira Clémenceau, « et je venais maintenant tous les dimanches le distraire autant que possible de son mal. 15 jours avant sa mort, j'avais encore déjeuné à table avec lui. Il m'avait parlé de son jardin, m'avait raconté qu'il venait de recevoir tout un stock de bulbes de lys du Japon, fleurs qu'il aimait entre toutes et qu'il attendait dans 2 ou 3 caisses de semences fort chères, mais qui donnaient fleuries des colorations admirables. » Un après-midi de la fin de l'été 1926, vers 17h, Monet se couche. Il est vraiment au bout, il est vraiment à l'agonie. Alors c'est sa belle-fille, c'est Blanche, qui télégraphie à Clémenceau, qui lui se trouve en Vendée, à Saint-Vincent-sur-Jarre. Le tigre ne perd pas une minute, il saute dans sa voiture et le voilà parcourant 500 km en automobile de Jarre-sur-Mer à Giverny. Il faut faire très vite. Clémenceau crie à son chauffeur « Plus vite ! Plus vite !» Et dès qu'il sent que la voiture ralentit un peu, « Plus vite !» dit-il. Et il va arriver à Giverny vraiment pour les derniers instants. On est le 5 décembre 1926. Il se précipite au chevet de son ami. « Souffrez-vous ? » lui demande-t-il. « Non, » répond Monet. Et Monet va mourir dans ses bras. Il avait 86 ans. « Monet était un chêne, » écrira Sacha Guitry. « Il paraissait invulnérable. Par où la mort allait-elle le prendre ? Eh bien, elle le prit par la ruse, lâchement. Elle s'attaqua à l'organe le plus précieux, à sa raison d'être, à sa raison de vivre. » À ses yeux. Le destin commit ce crime et troubla sa vue avant de lui fermer les yeux. Pendant 2 jours, Clémenceau va être là à veiller son ami à Giverny. Il dort dans une chambre juste à côté de celle de Monet. Il assiste à la mise en bière. Alors, il voit les hommes des pompes funèbres qui arrivent pour couvrir le cercueil du traditionnel voile noir. Et là, Clémenceau ne peut pas laisser faire. Il attrape des deux mains le voile en question. « Non, » dit-il, « il l'enlève. » Et à ce moment-là, il se dirige vers la fenêtre. Il arrache d'un coup sec un rideau de toile toute fleurie, très colorée, très vif. Il dépose le rideau de fleurs sur le cercueil de son ami et il dit « Pas de noir pour Monet ». Non, le noir, ce n'est pas une couleur. Bonjour Serge Lega. Bonjour Franck, bonjour Anissa. Bonjour Serge. Merci d'être avec nous. Nous allons évoquer Monet, les nymphéas, Giverny. On va même aller là-bas, se promener dans la belle campagne normande. C'est l'automne, il y a de la rosée aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on peut encore admirer les somptueuses couleurs de la palette végétale de Giverny. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Claude Monet, au cœur de l'histoire de l'un des fondateurs de l'impressionnisme cet après-midi, avec votre invité Franck Ferrand, spécialiste de peinture, Serge Lega, conférencier des musées nationaux et professeur à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Alors il faut dire de Monet qu'il est mort trop tôt pour assister à l'inauguration de ces grandes décorations des nymphéas. Hein. Et elles sont installées dans 2 salles souterraines, enfin pas souterraines, mais si on peut dire souterraines d'ailleurs, absolument. Au musée de l'Orangerie à Paris. Elles sont dans ce sous-sol depuis le 17 mai 1927. Il faut imaginer 8 grands panneaux qui font 2 mètres de haut pour au total un bandeau de 91 mètres de long. Vous imaginez ce que peut représenter une toute petite toile de la taille d'une feuille de papier hein, de Monet. Ça fait déjà courir le monde et là vous avez 91 mètres de peinture, c'est complètement fou. Alors il y a toutes les heures du jour, toutes les saisons, il y a tous les reflets, toutes les luminosités dans ces toiles, Serge Lega. Oui, c'est une fascination de Monet pour la notion du reflet. Alors l'eau a toujours été une fascination pour Monet puisque dès Impression Soleil Levant, dès ses premières recherches, il cherche cette notion de l'eau et du reflet, de la lumière qui est vraiment la quête même des impressionnistes. Mais dans le travail des nymphéas, il y a une sorte de dépassement puisqu'au fond, il y a aussi la fascination sur le reflet inversé. Cette notion du reflet inversé permet de se libérer de la figuration d'une façon tout à fait nouvelle. On est dans des formes changeantes, des formes libres. On pourrait presque dire qu'il y a quelque chose à mi-chemin dans cette étude tellement étonnante, quelque chose à mi-chemin de la décoration et de l'abstraction. C'est d'ailleurs ce qui explique le succès auprès des artistes, puisque le succès n'a pas été auprès du public, mais au niveau des artistes, les tableaux du musée de l'Orangerie sont devenus une sorte de référence, que ce soit pour les poètes comme pour les peintres, qui ont été absolument fascinés. Et c'est André Masson qui a eu cette très jolie phrase. Masson disait de l'Orangerie, c'est la chapelle Sixtine de l'impressionnisme, ce qui est le plus bel hommage. Tellement bien dit. Ça donne un peu le même genre d'effet, d'ailleurs. Absolument. On est une œuvre totale. On reste, voilà, le souffle coupé devant cette immersion, parce que c'est une immersion dans l'esprit, dans la couleur de Monet. Et je dirais tout particulièrement depuis que les travaux de réaménagement du musée ont été réalisés. Parce qu'hélas, dans les années 1960, on avait créé une dalle de béton qui avait complètement obscurci l'éclairage naturel qui était prévu pour ses tableaux et qui apportait cette source de lumière qui est la quête même de Monet. Oui, donc on avait éclairage qui était très électrique. Ah, c'était terrible. On avait complètement masqué la vérité qui était celle du travail de Monet. Et depuis les années 2000, on a redonné à cet espace l'esprit qui était le sien et on retrouve ces deux salles immenses qui se prolongent et qui deviennent une entité abstraite totale, même si Monet a toujours été un figuratif. Alors, Monet a toujours été un figuratif. Monet a toujours travaillé sur les différentes heures du jour, les différentes saisons, etc. C'est un peintre de série, il faut le dire. C'est tout à fait essentiel. Et la première série, vous en avez parlé, Franck, ce sont les Meules de Foin en 1890. C'est une idée absolument révolutionnaire qui d'ailleurs sera très très mal comprise. On va dire, mais au fond, Monet tombe dans la facilité. Oui, puisque maintenant le succès est là, eh bien il ne va pas faire un tableau, il en fait 15, il en fait 30 pour les cathédrales de Rouen, etc. Et ce n'est pas du tout ça. L'idée très géniale, c'est de dire au fond, puisque l'on ne peut pas capter la lumière, Monet disait entre midi et midi 5, la lumière n'est plus la même, je ne peux donc pas la capter. Donc l'idée est de faire 15 tableaux, 20 tableaux, 30 tableaux sur un même sujet, avec des éclairages différents en fonction des moments de la journée, des saisons, et d'apporter ainsi un regard qui est un regard, comme le disait Clémenceau, si les séries restent entières, le regard est parfait. Le drame, oui, c'est que justement, à part la série de l'Orangerie, qui est une entité absolue et totale, toutes les autres séries ont été dispersées par la suite. Voilà. Alors, celle des Nymphéas, elle a commencé tôt, je disais, au milieu des années 90. Oui, en fait, il commence très très tôt. Alors, il commence par des formats plus réduits. Il travaille beaucoup sur des formats carrés au départ. Les tableaux deviennent des recherches. Et puis, il y a l'aboutissement qui sont les grandes toiles de l'Orangerie, où là, on est dans le gigantisme total. Alors, dans certains des tableaux, je pense, j'ai pas été vérifier ça, mais j'imagine que ce sont les premiers de la série. Quand on voit encore le petit pont, là, le pont en arceau, hein, le pont japonais, il s'agit encore d'une peinture d'un paysage. On a des éléments référentiels, voilà, qui sont encore là, pont japonais, on voit le bord, on voit les nénuphars blancs, cette merveilleuse variété que sont les nymphéas, mais on devine encore très bien les choses. Par la suite, tout ceci devient brouillé. Alors, bien sûr, il y a les problèmes de vue dont vous avez parlé, qui vont jouer également, mais il y a surtout cette libération que Monet apporte et qui fait que là, il est totalement au-delà du travail traditionnel de la peinture. Il y a un exercice qu'il faut faire qui est très facile à faire. Il suffit d'aller donc à l'Orangerie des Tuileries. En plus, c'est central. Enfin là, vraiment, il n'y a aucune excuse. Hein. Tous les gens qui viennent à Paris peuvent... À Place de la Concorde. Place de la Concorde, vous ne pouvez pas rater les nymphéas de Monet. Ce qu'il faut faire, c'est s'approcher de la toile. Vous pouvez le faire avant de faire sonner quand même les alarmes. Hein, mais vous approchez de la toile, vous mettez un petit peu de côté comme ça et vous verrez presque coup par coup, vous verrez les traits, les coups de pinceau, les coups de brosse de Monet qui ont dû être donnés d'ailleurs avec une rapidité, avec une espèce de virtuosité. Et une force, une puissance. Force, et ce qui montre aussi que Monet est un peintre qui a énormément évolué. Déjà, on l'a dit, les formats changent, puisque à partir de 1914, on est sur ces toiles qui peuvent faire 2 mètres sur 6 jusqu'à la série des nymphéas de l'Orangerie qui sont encore plus immenses. Avant, on était sur des formats de chevalet, c'est-à-dire autour d'un mètre. Et également, il change de manière de peindre. Au début, il a ce que l'on appelle une touche morcelée, où il travaille par des sortes de petites touches maçonnées presque rectangulaires. Et puis là, c'est la liberté totale, c'est la peinture qui prend possession, j'allais dire, de la toile. 1927, ça aurait dû être un triomphe absolu. Le public aurait dû porter Monet à bout de bras pour nous avoir offert cet incroyable cadeau à nous autres de la République française. Eh bien, pas du tout, en fait. Non, on peut même parler d'un échec. Le public ne vient pas, les salles sont en partie vides. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, l'administration des Beaux-Arts se demande même si on va laisser ces tableaux en place. Est-ce qu'au fond, tout un ensemble de salles aussi importantes au cœur de Paris, est-ce que c'est vraiment utile de garder un musée où il n'y a pas de public? Et ce qui va apporter le phénomène de la résistance des œuvres et de leur implantation qui ne sera pas modifiée, c'est le talent des poètes, des écrivains, des peintres qui, eux, vont admirer cet ensemble et en faire une référence. Et puis, il y a une chose. 1927... On approche des années 1930. Ah, en oui. art, c'est ce qu'on appelle le retour à l'ordre. Le retour à l'ordre, c'est après toutes les audaces qui ont été celles du fauvisme, celles du cubisme, un besoin de revenir à quelque chose de classique. Et là, on est aux portes de l'abstraction. C'est tout sauf classique. Et donc, on est face à des œuvres qui sont d'une certaine façon à contre-courant de ce que le public attendrait à ce moment-là, quelque chose de dessiné, de construit, ce qui est l'antithèse du travail de Monet. C'est quand même fascinant qu'une œuvre inauguré à titre posthume et dû au talent, au génie d'un très très vieux monsieur, puisse encore être en avance sur son temps. Hein. C'est ce qui est magique avec Monet, c'est que Monet, toute sa vie, a eu une longueur d'avance. C'est Il y a vraiment chez lui ce sens d'être comme un précurseur. Repas, nous avons un temps d'avance, vous savez, c'est notre signature sur cette enseigne. Mais pourquoi ça vous fait rire, c'est le oui, Europe 1, un temps d'avance. Il faut peut-être dire un mot du musée de l'Orangerie, en dehors des nymphéas de Monet. Musée magistralement mené par Laurence Descartes. Oui. Et c'est un musée exceptionnel, puisqu'on a cette série des nymphéas, mais l'on a à l'étage supérieur la merveilleuse collection Walter Guillaume. Alors cette collection Walter Guillaume, c'est donc une femme qui était l'épouse de deux grands mécènes, Paul Guillaume et Jean Walter, et qui a décidé de donner à la France la collection de peintures, surtout de Paul Guillaume, qui était également un très très grand amateur d'art et un galeriste. Et donc elle va donner ces tableaux à condition qu'ils soient réunis au sein de l'Orangerie. On a donc deux entités, si je puis dire, au sein du musée, les nymphéas d'un côté et la collection Walter Guillaume, où on a les plus grands noms de l'impressionnisme aussi, mais aussi de toutes les avant-gardes. Derain, Picasso, Le Douanier Rousseau sont merveilleusement représentés dans cette collection. Alors, en ce moment, on peut voir jusqu'à la fin du mois de janvier au musée de l'Orangerie une exposition qui s'appelle La peinture américaine des années 1930. Comme par hasard, les années 30, hasard, on revient dans cette grande période avec là une très très belle exposition. Alors, l'Orangerie des Tuileries, c'est l'aboutissement, si je puis dire. Nous allons nous repartir à la source, à Giverny, et essayer de retrouver au détour d'une allée la silhouette bien connue d'un certain Clémenceau. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Franck Ferrand, cet après-midi, vous recevez Serge Lega. Nous parlons donc peinture. Serge est conférencier des musées nationaux et également professeur à l'école d'architecture de Paris Val de Seine. Alors vous le savez, chaque jour, Franck Ferrand vous emmène là où l'histoire s'est faite. Et pour Claude Monet, l'histoire s'est faite dans le département de l'Eure, à Giverny. Et oui, alors il faut dire que toute cette région, hein, ces rives de la Seine, ce Vexin normand, on peut dire que Monet les connaissait et les fréquentait depuis très longtemps, Serge. Oui, puisqu'au fond, on peut dire que les grandes régions de l'impressionnisme, c'est autour de Paris, bien sûr, tous qui sont Bougival, etc. Et puis tout ce qui conduit vers la côte normande. Donc on est dans des régions qui sont les régions traditionnelles de l'impressionnisme où Monet et tous ses amis ont travaillé. Donc Giverny s'impose un petit peu et c'est d'une certaine façon, le hasard qui fait que Alice et lui, celle qui sera plus tard sa deuxième épouse, découvrent le village de Giverny. Ils sont fascinés par cet endroit. Avant, et oui, qui est une période beaucoup plus dure. Oui. Donc, il y a aussi un problème. Il y a eu Poissy, il y a eu Vétheuil, qui sont des années très très difficiles dans la vie de Monet. Et l'arrivée à Giverny, c'est une sorte enfin de sérénité. D'abord, c'est le Havre, en fait. C'est exactement. Si les problèmes financiers vont se terminer enfin. Et puis, la famille se reconstruit. Puisque alors, là, c'est très compliqué, mais alors, la famille Monet, c'est une vraie famille recomposée. Il a été marié deux fois. Sa première épouse est morte très jeune, à 32 ans. Et Monet sera toujours très, très marqué, d'ailleurs, par la mort de Camille, parce qu'il se sent un peu responsable, puisqu'il n'ayant pas d'argent, il n'a pas, modèle, peur. Si souvent, il a pas pu lui apporter les soins que son état de santé nécessitait. Il aura donc une liaison, sans aucun doute, adultérine avec Alice. Et puis, quand Alice devient veuve à son tour, il l'épouse. Et c'est comme cela qu'il aura auprès de lui Blanche, sa belle-fille, qu'il appelle l'ange. L'ange, parce qu'elle est vraiment l'ange protectrice de toute la fin de vie de Monet. Ça tombe bien parce que lui ressemble un peu à Dieu le Père avec son c'est extraordinaire. Voilà, avec la barbe. Et on a le Dieu le Père, on a Blanche. Alors, ce qui est quand même hallucinant, c'est que Blanche, fille d'Alice, épousera le fils de Monet qu'il avait eu avec Camille. Donc c'est assez extraordinaire. Les deux ménages se mélangent par mariage également. C'est vraiment une famille recomposée au sens très moderne. Les gloires de cette époque, les 20 dernières années du 19e siècle, les gloires en France ont tendance à se fréquenter. Tout le monde se connaît. Je citais tout à l'heure Octave Mirbeau, il aurait fallu citer Sarah Bernhard, bien entendu. Et puis bien sûr Lucien Guitry, et puis tous ces gens-là. Et Clémenceau, qui fait partie de la bande, si alors, je puis dire. Je dirais que Clémenceau, c'est un lien tout à fait particulier avec Monet. C'est une amitié au sens quasiment fraternel. C'est Alexandre Duval-Stalla qui a fait une très belle biographie croisée des deux. Tout à fait. C'est vraiment un lien. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est de relire par moments les petits textes qu'ils s'envoyaient, les petits mots. Alors, Clémenceau appelle Monet vieux maboule, cher barbouilleur. Il y a vraiment une affection, et une affection qui va jouer un rôle très très important pour le thème que nous abordons, Franck, aujourd'hui. c'est que Monet, avec ses problèmes de vision dont vous avez parlé, connaît des périodes de désespoir et vraiment de quelque chose qui va très loin, puisqu'il envisage d'abandonner le projet de ces tableaux qu'il veut faire pour commémorer l'armistice et qui sont les Nymphéas de l'Orangerie. Et c'est vraiment Clémenceau qui lui dit, mais qui le porte quasiment à bout de bras. C'est impossible. D'abord, il va lui faire accepter l'opération. L'opération. Ça marche moyen. Bah, l'opération arrive trop tard. Mmh. Et à l'époque, la cataracte ne s'opère pas comme elle s'opère de nos jours. Évidemment. Et Monet gardera un petit problème. C'est-à-dire qu'après l'opération, il aura un problème qui est un phénomène de parasitage de couleurs. Alors là, je dois dire, je suis pas du tout médecin, mais ce qu'on appelle la xanthopsie, c'est-à-dire que la vision jaune est trop forte par rapport à son œil droit, et la cyanopsie, c'est-à-dire la vision bleu-violet, qui est trop forte également. Et Monet aura d'ailleurs une phrase que je trouve très touchante en 1925, un an avant de décéder. Il écrit à un ami médecin « Le peintre opéré de la cataracte doit renoncer à peindre et c'est ce que je n'ai pas su faire. » Ce qui montre à quel point ça reste pour lui un grand problème jusqu'aux derniers instants. C'est vrai que Beethoven n'avait pas renoncé à composer, mais ça n'est peut-être pas tout à fait la même chose, parce qu'on peut imaginer le son, on ne peut pas imaginer le pigment qu'on place sur la toile. Et la perception, cette perception des couleurs qui était tellement importante pour Monet. Et qui vont peut-être, ce défaut de perception qui va peut-être contribuer à donner un caractère quasiment halluciné aux dernières œuvres et notamment à ces fameux nymphéas dont nous parlons. C'est le corollaire positif, c'est que ça libère. Je parlais d'abstraction tout à l'heure, ça pousse Monet dans ses derniers retranchements d'une certaine manière. C'est Kandinsky d'ailleurs qui le dit. C'est exceptionnel. Vassili Kandinsky dira toujours, lorsqu'il parle de ses souvenirs qui ont été pour lui l'idée d'abandonner la peinture figurative pour l'abstraction, il dit que pour lui il y a eu deux chocs. La musique de Wagner et lorsqu'il a vu en 1895 l'exposition des impressionnistes à Moscou. Et là, il dit qu'il voit entre autres une des meules de foin de Monet et que pour lui, à tout jamais, le sujet est désacralisé. Parce que c'est ça la force des séries. Quand vous faites 15 fois, 20 fois, 30 fois le même sujet, il y a toujours un sujet. Mais si vous le faites aussi souvent, c'est que le sujet est désacralisé. Et ça permet à des peintres plus jeunes de se dire « Mais puisque le sujet n'est plus sacro-saint, si j'avais l'audace de m'en passer. » Et c'est comme ça qu'on passe de la figuration à l'abstraction. Monet reste un figuratif, mais il a ouvert la voie aux peintres abstraits qui se sont dit « Les séries, c'est une désacralisation du thème, c'est le moyen peut-être un jour d'abandonner le sujet lui-même. » Le son de beauté et de lumière, mais d'une certaine manière donc le son de liberté. De liberté. Vous êtes d'accord Serge, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons aller nous promener dans la maison de Claude Monet, parce que je l'ai décrite comme ça un peu rapidement tout à l'heure. On va la visiter ensemble. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est le moment sur Europe 1, soit de prendre de quoi noter, soit de préparer les valises, parce que vous allez nous donner envie d'aller passer quelques jours à Giverny, Franck. Hein. Ah oui, j'ai eu la chance, vous savez, ça c'est une très grande chance, lorsque j'écrivais la biographie de Gérald van der Kemp, l'ancien grand conservateur de Versailles, qui avait été le restaurateur au nom de l'Institut du domaine de Giverny. C'est lui qui notamment a recréé complètement les deux jardins, etc., qui a restauré la maison. J'ai eu la chance de vivre à Giverny pendant un certain temps, pendant 2 semaines. Et d'être seul, je dirais, à partir de 18h, enfermé, si je puis dire, dans cet extraordinaire domaine. C'est une expérience inoubliable parce qu'il y a à Giverny, et même si entre-temps, le jardin était redevenu une friche, on peut le dire, Serge, hein, c'est Michel Monet qui a donc fait don de l'ensemble à l'Institut de France. Même s'il y a eu des moments difficiles dans les années 60 ou 70, l'âme de Monet est là encore présente. Ah, et totalement, aussi bien dans la maison que dans le jardin est un éblouissement. Quand la floraison est à son zénith, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je crois que personne ne peut être insensible à la beauté de ce jardin. Évidemment, le jardin d'eau est un endroit tout à fait exceptionnel et tellement porteur, mais la maison elle-même est vraiment un lieu de passage où l'on a envie de s'attarder. Les pièces ont gardé l'atmosphère de l'époque. Dans cette petite maison. Enfin, petite maison, c'est déjà une assez jolie maison, mais qui reste modeste néanmoins. Oui, c'est une vraie maison normande. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Alors cette salle à manger toute jaune. Ah, c'est les couleurs. Les couleurs. Et puis, je trouve que se ressent dans cette maison le plaisir qu'avait aussi Monet, ne serait-ce que le plaisir de la cuisine. Puisqu'on voit, on a l'envie de s'installer, de se mettre à table chez Monet. Et Dieu sait que c'était important pour lui. Et puis... Et la cuisine, elle est bleue, pleine de carreaux. Les couleurs sont magnifiques. Jaune pour la salle à manger, bleu pour la cuisine. La collection d'estampes, qui est absolument hallucinante et qui couvre toute une partie sortie des murs de cette maison. Alors, au rez-de-chaussée, on a encore le salon de lecture qui est bleu, mais alors d'un bleu beaucoup plus subtil, si subtil, je puis dire, que la cuisine. Ce qu'on appelle l'épicerie, où était autrefois l'huile, le thé, les épices, etc. Le fameux salon atelier, on descend quelques marches. Alors, aujourd'hui, ce sont des copies qui se trouvent là, oui, bien pour sûr. Évoquer c'est, les grandes c'est œuvres. C'est peut-être l'unique chose qui est un peu dommageable dans la vie, mais c'est pas grave, on le comprend, oui. On comprend pourquoi cette maison n'a pas pu garder les tableaux. Et alors, on monte à l'étage, là, il y a un escalier pour monter jusqu'aux chambres. Il faut y aller un jour où il fait beau, de préférence, c'est formidable, quand ces grandes fenêtres sont ouvertes sur ce jardin de fleurs impressionnant. Vraiment, c'est tout simplement à perdre la vue. Et toutes ces estampes japonaises dont vous parliez, il y en a des quantités. Exceptionnelles. Tous les murs en sont couverts. Il y a aussi les copies des tableaux qui sont les tableaux des autres peintres, que ce soit Renoir, Berthe Morisot, Cézanne, etc. Oui. Et puis l'on a à l'étage la partie Monet et la partie Blanche, la partie de cet ange qui était sa belle-fille, qui avait évidemment quelques pièces pour elle, puisqu'elle était là pour s'occuper de ce grand homme. Et puis il n'y a pas que la maison même et les jardins, bien sûr, de Claude Monet. Il faut aller visiter le musée des impressionnismes. Alors, qui est une très très belle réussite. Et je dois dire qu'actuellement, il y a une exposition qui se terminera début novembre. Il faut en profiter avant que d'ailleurs les deux endroits ferment. Tout ça ferment. Va fermer, bien tout sûr. Tout ça hein. va s'endormir jusqu'au mois de mars. Et c'est l'exposition du peintre Sorolla, qui est un peintre espagnol qui a vécu à Paris et qui est très nettement influencé par l'impressionnisme. Alors, ce musée des impressionnismes de Giverny, c'est un merveilleux complément par rapport à la fondation Claude Monet. Les deux endroits sont à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre et de l'un à l'autre, on participe à la vie aussi de ce village. Le musée lui-même est très moderne. Là, très moderne, ce bâtiment très très réussi. À l'origine, c'était le musée qui aurait dû être le musée autour de l'impressionnisme américain. C'est ça. Et qui a basculé dans ce musée des impressionnismes. Il faut peut-être dire un mot, expliquer Serge, pourquoi ces impressionnistes américains ? Parce qu'ils se précipitaient, en fait, on essayait d'avoir ne serait-ce qu'un mot du maître. Ah mais puis Monet était une référence et Dieu sait que des peintres comme Mary Cassatt, par exemple, ont introduit le goût de l'impressionnisme aux États-Unis. Mary Cassatt, qui a participé aux dernières expositions impressionnistes, était quelqu'un qui a donné ce goût de l'impressionnisme. Ça explique d'ailleurs pourquoi les collections américaines sont aussi riches en tableaux de toute cette merveilleuse floraison artistique qu'a été l'impressionnisme. On est tout au bord de la Seine, bien entendu, donc on sait que de temps en temps, hélas, lorsqu'il y a des crues, évidemment, ça peut être le problème. Notamment le jardin d'eau en bas, alors là porte bien son nom. Tout est inondé, et tout ça retrouve par la suite une sorte de vision de renaissance. Il y a aussi quelque chose d'assez exceptionnel dans le jardin. La recréation qu'on fête les Van der Kemp dans les années 1970-1980 est fidèle, selon vous, à ce qu'a pu être le jardin de Claude Monet. Notamment, quand on est sous les saules pleureurs, qu'on passe sur le pont japonais, etc., on a quand même bien l'impression d'être dans nos fameux nymphéas. On est totalement dans l'esprit et c'est là où l'on retrouve aussi, n'oublions pas aussi qu'à l'époque, on a les témoignages de la photographie. Donc, on a tous ces témoignages, ce qui explique aussi d'ailleurs la présence des trois ateliers, puisqu'à Giverny, Monet a eu trois ateliers successifs. Le dernier, l'atelier dit des nymphéas, c'est de nos jours d'ailleurs la boutique du musée. C'est l'immense atelier qu'il s'est fait construire entre 1914 et 1916 pour uniquement travailler sur cette grande série de toiles. Je pense que nous avons dit à peu près ce qu'il fallait vous dire pour vous donner les clés de cet univers merveilleux, celui de Claude Monet. Merci beaucoup Serge. Merci François.